sera bien qui ouïra le dernier. Ouïra bien qui ouïra le dernier. Ouïra bien qui ouïra le dernier. Ouïra bien qui ouïra le dernier. Ouïra bien qui ouïra le dernier. Bonsoir à tous, vous êtes bien dans Ouïra bien qui ouïra le dernier. Pour une émission très spéciale, puisqu'aujourd'hui, on fête le retour de Dépotax, le druide du temps qu'il reste à l'urgence. Il n'est pas encore avec nous, peut-être, on espère qu'il va apparaître d'une manière ou d'une autre. Ouais, en tout cas, pour le représenter aujourd'hui avec nous, des interlocuteurs, puisqu'on le sait, hein, Dépotax ne parle pas notre langue, on aura le temps d'y venir, mais on a Sean Peel qui est là pour traduire aujourd'hui. Oui, et puis j'ai fait la rencontre de José de Carcassonne. Là. Tout à fait. Bonsoir, José. Bonsoir, José de Carcassonne. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, José, bienvenue dans la capitale de l'Europe. J'espère que vous avez profité du soleil aujourd'hui, comme nous. Ah, c'était une journée assez spéciale. Avec beaucoup de soleil, oui. Surprenant pour la Belgique. Hein. Ouais. Alors, Dépotax nous a envoyé quand même, pour commencer... Du son, quelques morceaux. On a eu un fichier cet après-midi en dernière minute. Hein. Ouais. Donc... Le gars, il est déjà last minute. Hein, déjà, ouais. Ouais, j'ai cru comprendre. Bon, on l'attend toujours, en tout cas. Mais on va commencer à écouter. Hein. C'est parti, on écoute ce qu'il nous a envoyé. Thank you. Thank you. ira bien, qui ira le dernier. Retour avec nos invités. Donc il nous reste trois quarts d'heure pour explorer un peu cet univers mystérieux de Dépotax, être hybride et mutant. En exclusivité, vous venez d'entendre les derniers morceaux qu'il a composés. Donc, Sean Peel, un de ses représentants, tu nous disais que c'était assez différent de ce qu'on connaissait de lui, c'est vrai ça? Oui, il m'a encore surpris, hein, le coco. Parce que là, il a commencé avec un morceau Fuck You, Rave the Nation. Alors, un machin avec une montée interminable, tu crois que ça va péter, ça ne pétera pas. Et ça qui est bien. Mais à ce prix, j'étais pas au courant une fois de plus parce que le coco, je l'appelle le coco, mais je pense toujours qu'il disparaît puis il réapparaît comme ça. En tout cas, ça fait un moment là qu'il a disparu de la scène, hein, qu'on l'a pas vu. Là, on vient d'entendre ses dernières réactions musicales. Mais vous allez essayer de nous en dire un peu plus. Donc Sean Peel et Rosé, comment vous l'avez rencontré, ce Dépotax? Rosé, apparemment, on a discuté un peu avant l'émission. Apparemment, il a rencontré en vacances. Vacances, lui, il vient de là-bas. Bon, Dépotax, il devait traîner dans le coin de Carcassonne, apparemment, si j'ai bien compris. Et moi, je l'ai rencontré. Alors, par hasard, je dansais bourré à côté d'un pot de fleurs au Botanique sur du Sébastien Tellier avec le patron. Et puis, on a commencé à causer, voilà. Et il m'a engagé. Tu l'as de suite compris? Non. Non. Mais en fait, oui, mais je sais pas, il y a une espèce de langage universel. Quand tout le monde est bourré, on se comprend. Je sais pas ce que c'est. Et alors, il m'a engagé, représentant, petit. Moi, je faisais ce pouvoir, voilà. Tu lui as inspiré confiance, en tout cas. Oui, malgré qu'il me paye avec des capsules. Maintenant, il me paye plus. Mais bon, peut-être ça va revenir. Qui sait? Écoute, maintenant qu'il a son nouveau, son projet remis, à jour. Non, mais heureusement que j'ai des roues de secours sur le côté parce que. Les capsules en l'an 2000, ça marche pas. Et alors, Rosé, toi qui l'as rencontré récemment, est-ce que tu peux nous dire un peu comment va Dépotax, comment s'est passée votre rencontre, qu'est-ce qu'il faisait à Carcassonne? Écoute, j'ai rencontré Dépotax sur la plage, il était complètement désolé, il avait la tête entre les mains, il était en pleine réflexion et je pense qu'il s'est pris, le monde en pleine face. Il m'a fait savoir que tout son système de pensée était chamboulé, qu'il était toujours à voir comment il allait pouvoir reprendre le projet. Il est dans sa caverne, il réfléchit toujours. En tous les cas, il a rencontré des personnes très intéressantes, des bouquins à lire, que je pense que maintenant, c'est vrai, il m'a fait comprendre des choses. Et qu'en effet, maintenant, je pense on doit tous ouvrir les dossiers intéressants, les dossiers importants pour comprendre les clés de ce monde. Parce que, voilà, j'ai compris aussi, grâce à lui, j'espère qu'il va pouvoir porter son message plus loin, mais j'ai compris grâce à lui qu'on allait droit dans le mur. Et les choses sont criantes et il faut ouvrir les yeux. Voilà. Donc je ne sais pas. Je l'attends de pied ferme, le Dépotax, mais je sais qu'il cogite. Nous aussi, on l'attend de pied ferme dans cette émission. On espérait qu'il soit là pour Ouira Bien, qui ouvrira le dernier en exclu. On va voir. Qui sait. Est-ce que vous pourriez nous le décrire pour les auditeurs qui ne le connaissent pas? C'est vrai que c'est un être au physique assez particulier. Oh, c'est le croisement entre une chèvre et une guenon, moi, je dirais. Il a quelque chose d'assez humain aussi. Enfin, moi, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, quoi. Mais bon. Il se tient sur deux jambes. Oui, c'est un bipède, oui, j'ai oublié de le souligner, c'est un bipède, oui. Ouais. Peut-être, avec un grand front, une coupe de cheveux. Il a le front dégagé, oui, on va dire, oui. Mais par contre, son tour d'oreille, il n'est pas dégagé. Hein. Toi, Rosé, toi qui l'as vu récemment, il était bronzé, peut-être? Non, il était encore tout blanc, hein, parce qu'il est resté enfermé longtemps. Mais il est plus sensible qu'on ne le croit. Avec sa carcasse, c'est clair que bon, il n'est pas de notre monde, c'est criant, mais je sens l'homme derrière. Je sens l'homme derrière ce clown qui nous empêtre tous de voir, de sortir de cette illusion, et je le sens là. Mm-hmm. Voilà. Alors, on avait un reportage de la RTBF, qui peut-être nous permettrait d'aller plus avant. Je ne pense pas. C'est une vision. De la masse médiatique avec leur langage qui pour moi n'est pas parlant. Après, on peut le diffuser, je le garde pour la fin. J'ai trouvé ça sur le site de la RTBF, j'étais très surpris. Oui, on le garde pour la fin, je préfère. Donc il y a différentes hypothèses, hein, par rapport aux origines de Dépotax. Alors on entend notamment dans ce reportage qu'il serait sorti d'un étang. Ou alors c'est un être mutant qui aurait subi un incident nucléaire. Est-ce que vous en savez un peu plus sur d'où il nous vient ? Non, mais... venu de l'eau, venu... Non, mais bon, j'ose pas me pencher sur la question, mais à un moment donné, j'y ai réfléchi, ne fût-ce que 5 minutes, je me dis, bon, c'est un bipède, il a une forme humanoïde, d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le croisement entre une chèvre et une guenon. Vous dites ce que vous voulez. Mais ce mec, il pousse, à mon avis, il a poussé la nuit comme un champignon. Sur un comment ils appellent ça en anglais, junkyard. Il serait apparu. Un dépotoir. De la Terre. Alors. Ah oui. Oh. Ah. Après un cataclysme nucléaire. Bah, c'est ce que j'ai compris. Peut-être son nom. On ne sait pas. On n'en sait rien. Okay. Moi, je préfère l'appeler le dépoteux, mais bon. Donc ses origines vont rester mystérieuses. En tout cas, il semblerait qu'il soit en mission chez nous, qu'il aurait comme une quête sur notre à mener ici sur Terre. Est-ce que peut-être vous en savez plus, messieurs. Il apporte quelque chose, ça c'est clair. Il y a un message. Ça, c'est alors sûr. Oui, il apporte quelque chose parce que déjà sa musique qu'on entend encore depuis tantôt. Pas plus au-delà de sa mission musicale, pas plus autour de sa quête, Mysterious, de son but. Non. Ben, apparemment, s'il a rencontré... Je vais vous interrompre. Parce que vous me parlez de dépotaxe comme quelqu'un qui vient de je ne sais pas où. Moi, j'ai vu un homme qui se posait de vraies questions. Alors moi, je voudrais savoir, Sean, oui. Toi, tu le connais d'avant. Oui, mais j'ai jamais vu ce stand-là. J'ai pas vu le même dépotaxe que toi. Mais moi non plus. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il en est venu là, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que, pour finir, c'est pas un mutant, je sais pas, il a lu des cartes récemment ? Il m'a pas parlé de ça, non. Ah bon ? Parce que... En tout cas, on parle beaucoup de Dépotax, mais il faut savoir qu'il est pas tout seul. Hein. Dépotax, c'est aussi un projet familial. Oui, c'est vrai. Mais... Ils sont plusieurs à être là. Donc il y a son cousin aux machines, Omar Kabil. Oui. Il y a ses deux nièces, danseuses. Tout à fait. Petrushka et Manushka. Oui. Charmante donzelle d'ailleurs. Ah ouais. Donc bon, ils sont arrivés à plusieurs. Bon, non, je crois qu'on n'en saura pas plus dans l'instant. Il a commencé tout seul et puis ils ont débarqué. À un certain moment, j'ai vu tout seul et puis d'un seul coup, je vais le voir et tout, discuter, et puis ça commence, il arrive sur scène et Vlakomar et ses deux cousines débarquent. Bonsoir. Qui sont elles sont typées elles aussi hein, comme lui, mais elles bougent bien, elles ont leur charme hein, les cousines. Oui. Moi je me souviens d'un. Elles ont des jambes ravissantes. Ah oui. Moi je me souviens d'un concert inoubliable à Sussargues. C'était aussi pas très loin. Il y avait tout le monde. Il a retourné tout le public. Hein. Moi j'ai encore rencontré hier quelqu'un qui je ne savais pas qui était là, qui m'a dit tu te souviens du concert à Sussargues? Il m'a dit que c'était la danse de la pluie. Il s'est passé quelque chose que tout le monde s'en souvient. Il va encore en parler pendant des années. Hein, je ne sais pas. Mais ouais, il était sur la fin. Il sentait quelque chose arriver sans pouvoir l'exprimer. Je pense que là, maintenant, il touche les clés. Il cherche la manière de l'exprimer. Mmh. Voilà. On reviendra sur l'évolution et aussi sur la scène, hein, les performances scéniques de Dépotax. D'ici là, on va écouter... un morceau encore, donc envoyé cet après-midi en urgence par Dépotax lui-même. Yeah. Alors, toujours pas de dépôt taxe, hein. Non, mais cela dit, j'ai mis la main sur Julot. Il était à la dernière soirée au Central. Oui, c'est vrai. Ah oui. Julot qui va arriver, je pense, dans 2 secondes. Il est en train de monter les escaliers. Bon, on espère qu'il est en train de monter les escaliers jusqu'au 5e de Radio Panique. Cette musique, elle est mutante, hein, elle aussi. Donc, il y a une influence dubstep, clairement, trip-hop. Oui, hip-hop aussi. Hip-hop, bon, malheureusement, gangsta rap. On n'a pas entendu des potaxes dessus, mais clairement, ouais, il y a aussi du hip-hop. De quelle influence il s'est nourri des potaxes, est-ce qu'on le sait ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a dû certainement traîner... pas très loin de boîtes techno aussi dans les années 90, on va dire, voilà. Et ça ressort un peu plus dans ce mais il est toujours là, il est toujours là, et en plus bon, avec son âge et tout, je suis sûr que ce mec il connaissait les troubadours à l'époque, quoi. Il promouvait des troubadours à l'époque, j'en suis sûr. Alors sur le site akamusic.com, on lit que dans ses influences il y a Michael Jackson et Richard Gottener. Oh, ça ne m'étonnerait pas. Je le sens surtout dans le premier EP. Hein. L'énervement de Gottener, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu nulle part. Hein. Le voix de dépôt taxe, là, c'est énervé, je ne sais pas. Il y a quelque chose... ouais, de Gottener. Oui. Bon nom, bonne influence, juste. Après, pour l'instant, il n'a pas encore posé sa voix dessus, donc on ne sait pas... Il suffit d'aller écouter, hein. Il y a des choses qui sont là sur le web, il faut un peu creuser si vous avez envie. Hein, bon. Alors oui, et pour ça, il y a un très bon site, hein. C'est depotax.com, The Chamber. Hein. Oui, alors déjà pour rentrer, vous avez joué au petit jeu pour rentrer ? J'ai joué, ouais. On rentre pas tout de suite dans le site, hein. Il faut chipoter avant d'y arriver. On est d'abord dans un casino très sombre. Oui, c'est ça, et puis pour les gens qui n'ont pas vu sa tronche, sa pomme, on va dire. Taper dans... Comment tu disais, José, tout à l'heure, avec ton accent Google, comment tu le disais ? Google. Tu tapes Google, des potex Google, et puis bon, vous aurez très vite compris. Ah, on voit qu'il arrive. Julot, c'est ça ? Oui, Julot. Ah non. Ah non. Bah, oh, non, mais il va venir. C'est le deuxième technicien qui est rentré dans le studio. Bon, on attend toujours Julot pour nous raconter un peu... Julot est parti changer l'eau des olives, il va arriver. Et... Vous qui le comprenez, toi qui le comprends un peu, Sean. Non. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle sa musique ? On sait qu'il fait du hip-hop. Déjà, c'est quand même. Comment il s'est intéressé au hip-hop et qu'est-ce qu'il nous dit dans ces musiques-là ? Oh la colle. Moi, ce que j'ai senti, ce mec, il a attrapé dans ses filets tout un tas de machins, des sons qui lui plaisaient, qui ne savait peut-être pas d'où ça venait, où ça devait aller, tout ça. Et puis je ne sais pas comment il fait, parce que moi j'ai essayé de composer aussi. Je suis une brêle de ce point de vue-là. Et il a tous ses sons, il a mis ça dans un instrument ou alors dans un laptop, je ne sais même pas. Et puis il nous a sorti ça. En tout cas, ça a l'air très machiné quand même. Ah oui, oui, ça. Non. Il y a Omar Kabil aussi. Et c'est distinct. Ouais, c'est distinct aussi. Oui, Omar d'ailleurs. Oui, tu as parlé toi un peu avec son cousin, donc le cousin de Depotax, Omar Kabil. Oui, tout à fait. Qui est aux machines, hein, qui lui gère les machines. Et les deux cousines aussi. Oui. D'ailleurs, je me suis retrouvé dans une arrière-loge au Botanique. Je devais parler devant une caméra et c'était une petite équipe qui travaillait pour... Oh mon Dieu, je ne me souviens plus d'eux. Ils font des petits reportages rapides sur des musiciens émergents, voilà. Et bien, il y avait les cousines. Les cousines étaient là à un moment, puis ils sont partis. Mais alors, j'avais Omar et des potax derrière qui étaient en... Oh, ils se touchaient tout doucement, d'accord, je dis rien. Et puis après, il y a eu de la nourriture qui a été impliquée là-dedans aussi. Alors ça s'est terminé, bon moi j'avais le dos tourné heureusement, mais rien qu'au son c'était assez intéressant. Donc oui, je les ai vus tous les quatre, oui. Hors scène. Ah oui, mais ils sont, sur scène ou hors scène, ils sont tout aussi mystérieux, quoi. Ah enfin ouais. Ah ça y est, donc Julot, hein, qui est là. Oui, Julot. Merci Julot d'être venu jusqu'à nous. Moi je l'appelle Julot, mais je sais pas si c'est bien Julot. Je fais ça pour lui, hein. Mais ouais. Toi aussi tu as rencontré des potax. Ouais, mais bon, il m'a envoyé là, bon, je lui ai dû un retour parce que c'est vrai que je lui avais fait un sale coup la semaine passée là. Voilà, bon, maintenant ma dette est payée, je viens pour parler en son nom. Voilà, désolé, mais. Bon, on espère toujours qu'il viendra, hein, on sait oui, pas. Oui, voilà. Mais... Bon. Mais... bon, en tout cas, merci Julot d'être là. Donc, toi, tu es du coin. Hein, l'escalier. Et toi, tu as vu des Potax en live. J'ai vu des Potax plusieurs fois, mais là, j'étais assez surpris, en fait, la dernière fois. Ouais, donc il a joué il y a 2 semaines, 3 semaines. Un peu plus. Hein. C'était quand même 2-3 mois, je pense. Ah ouais. Ah oui, carrément. Au Central, pour une release party, il était là. Voilà, et donc on s'attendait à des Potax avec, ouais, parce que, avec sa parler, petite majorette et tout c'est ça. C'est du gros show, ouais, hein, des Potax. Il y a de la lumière, de la vidéo, de la danse. Oui, voilà. Ouais. Donc là, en fait, on était assez étonnés de voir des Potax sur le milieu de la scène parmi le public. Ah. Donc en fait, c'est comme si en fait, il s'auto-écoutait donc, sur la scène. Donc, il faisait partie du public. Il était donc devant à gauche sur la scène. Et comme si lui-même profitait de sa propre performance live, qui n'était pas une performance live finalement. Donc en fait, c'était des visuels qui passaient sur grand écran. Non, des visuels. Lui-même. Oui. Pardon. Je sais pas. Donc avec la musique qu'il a donc de son premier album, j'imagine. Non, c'était des musiques. Bon, d'abord, en plus c'était des nouveaux sons. Je pense que c'était des sons à lui principalement, et il. Le problème, c'est que les gens ne voyaient pas qu'il était lui-même en train de jouer, mais parmi la foule, parmi les gens, parmi le public. Et c'était assez... Enfin, une fois qu'on s'en rend compte, c'est assez exceptionnel. Voilà. Moi, j'étais là, mais dehors, pardon. Donc, il n'a pas chanté cette fois-là. Il n'a pas chanté, non, c'était complètement différent. C'était un nouveau projet, quelque chose de différent. Ah, décidément, c'est difficile de l'accrocher, ce... Ah non, mais il zappe, hein. C'était assez surprenant, même pour ceux qui le connaissent. Hein, bon, c'est déjà bien que pour le Central, pour ce jour-là, il ait fait une réapparition, puisque, comme tu disais, Sean Peel, difficile de le trouver, de le capter en ce moment. Bon, il était il y a quelques mois à Carcassonne. Ah ben, José a eu de la chance. Hein. Ouais, de le rencontrer. En tout cas, depuis un moment de réflexion sur la plage. Déjà, le pire, c'est que j'imagine le bonhomme accroupi avec sa tête entre ses jambes. Ah, bon Dieu. Mais sa notion d'espace-temps n'est pas la même que la nôtre. Il faut essayer de se mettre un peu à sa place. Ouais, mais c'est rassurant, parce que si le mec il se pose des questions, comme José m'a dit, c'est rassurant. Et donc, depuis automne 2010, il prépare un nouvel album, hein, et on espère peut-être un nouveau show. Bon, certainement. Il faut dire que Potax est un être fait pour la scène. Son show, on peut dire, relève de la performance. Hein, on disait tantôt, donc c'est deux danseuses cousines, nièces, pardon, Petrushka et Manushka. Oui, c'est ça. Et lui-même, Potax, c'est un grand danseur. Vous-même qui l'avez vu danser. Ah oui, non, il a les hanches. Il a pris des cours de danse. Hein, beaucoup non, il n'a pas de pris danse. De cours. Je pense qu'il a fait ça dans une optique de comprendre le fonctionnement de l'être humain, de comment nous fonctionnons, pour se rapprocher plus de nous peut-être, je sais pas, pour essayer de communiquer. Voilà, parce que finalement, s'il n'y a pas la langue, il y a toujours le corps qui parle. À mon avis, un peu de ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a appris à bouger, ça c'est sûr. Il a les hanches bien huilées, ça c'est sûr. Il aime bien ça, ouais. Peut-être Rossé, tu as un mot à dire. Je ne sais pas si toi tu l'as vu danser. Je veux juste réagir à l'intercation de Julio. Et c'est vrai que précédemment, moi j'ai toujours senti Potax parler avec son corps. Et les gens, c'est comme ça qu'ils étaient touchés. Parce que les voix ne voulaient rien dire. Mais les gens se sentaient touchés quand même. Et donc je pense que là, il a trouvé la limite à son projet. C'est-à-dire qu'il comprend que le corps n'est plus suffisant, l'amour n'est plus suffisant. Et il est dans cette réflexion. Je ne sais pas où ça va nous amener. On retrouve aussi dans son show pas mal de vidéos de Vijing. En tout cas, il sait bien s'entourer, hein, le monsieur Potax. Il a un showcase, comme ils disent. Ouais. Et vous savez un peu d'où ça vient, d'où ça sort là, c'est visuel. C'est ce qui l'attrape. Ce mec ingurgite beaucoup plus que le commun des mortels, malgré qu'on sorte, qu'on fait des concerts, on aime bien la musique et tout ça. Je sais pas ce qu'il fait. Sa façon de communiquer. Hein, voilà, il attrape tout et il te refait quelque chose de neuf avec les mêmes codes, c'est ça qui est chouette. Bah, le message d'amour, il passe. Il nous emmène plus loin, c'est bien ce qu'il fait. Ok, bah, écoutons un peu plus. On est toujours dans Où ira bien, qui où ira le dernier, 105.4 FM. Et on écoute les dernières musiques concoctées par Depotax. Yeah, baby. Thank you. Derrière là. Oui, oui, on entend. On entend des potex. Malheureusement, il. Là, bon, on nous dit peut-être il arrive. Bon, moi j'avoue que, ouais, il nous reste 7 minutes d'émission. Je suis un peu déçue que notre invité ne soit pas venu. Mais enfin, il a contribué, il était présent tout le long de l'émission. Attends. Oh, le salopard, quoi. Je regarde mes emails, je vois un spam. Vlatipa qu'il arrive par courriel et via. Bon, les gars, il faut que j'ouvre la tâche, mais là qu'il est arrivé par un PDF, quoi. Non. Ah bon ? Par PDF ? Ouais, un fichier PDF. Il se fout de notre gueule, hein ? Mais je le vois, regarde. Mais non. Il faut downloader le machin, quoi. Est-ce qu'on peut l'entendre ? Le PDF, ça n'entend pas, hein ? Ouais, mais il va trouver un moyen JP, notre super technicien. Convertir le PDF en MP3 ? Oh, il se passe un truc, en tout cas. Il arrive. Bon, ben, on regarde ce qu'on peut faire, quoi. On a... Ouais. Tout le monde s'active. Damien, JP, Julo, tout le monde est sur le coup. On va voir si on arrive à entendre des potex. Ça sent du pet, là. En tout cas, sachez qu'à partir du 15 mars, vous pouvez vous rendre sur le site akamusic.com et il y a une action de founding. Je viens d'apprendre ce mot. Founding. Pour faire des donations pour la musique de Dépotax et pour son nouvel album. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur akamusic.com. Et puis, parce que Dépotax est un très, très bon communicant. On le retrouve sur plein de sites, hein, sur Facebook, sur Twitter, sur MySpace. Ah, il a compris comment ça marche. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Et donc, sur son site que je vous invite à aller visiter, dépotax.com, avec quelques mots donc, sur son univers fait par un reporter qui s'appelle Paul Simon. Simon. Je ne sais pas l'origine de ce monsieur. Ah, il y a eu plein de reportages, hein, sur lui. Ouais. En tout cas, j'avoue que je suis assez déçu qu'il n'est toujours pas là. Oui, qu'il nous envoie un PDF. Croire qu'on va encore le convertir en MP3 pour voir s'il y a un truc caché derrière. Non, mais le fichier, le fichier, il est verrouillé. Laisse tomber. Hein ? Le fichier est verrouillé. Mais je ferai même attention au PDF. Il y a AVG qui a commencé à le scanner. Il en a marre, il pète un plomb. Il a vite mis ça dehors. Il n'arrive pas jusque dans les studios de panique, mais il a fait une tournée un peu partout dans le monde des potes. Ouais, il s'est fait refuser à l'entrée de la Chine. Il s'est fait rejeter comme un malpropre de Chicago. Il s'est tapé le trajet jusque Chicago. Il est resté 4 heures à l'aéroport. On lui a cassé les couilles. On l'a ramené avec une voiture de flic à l'avion. Il est rentré chez lui directement. Oui, et il est refait. Maintenant, il est même sur la blacklist américaine. Alors que le mec, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ils sont à la masse, les Américains. Ils voient des terroristes partout. Donc il a non, pas, mais, il a alors pas que c'est eux, les terroristes. Non, mais c'est grave. Avec une tête pareille, je veux bien, quoi. Ouais, mais non. Bon, on est toujours en train d'essayer, JP. On pense peut-être d'autres logiciels, basiques ou textedit. Il y a un PDF convert.com. Il y a pas un truc. Bon, on a une proposition de Rosset. Ouais, c'est pas installé là pour l'instant. Fichier corrompu, férolé, j'en sais rien. Il nous embête. Non, mais le pire, c'est que j'ai failli le virer parce que je l'ai vu comme courrier indésirable et ça a failli voler à la poubelle ce truc. Hein. Je sais pas comment il fait, mais bon. Bon, on essaye. Donc, on a cru à des tournées aux États-Unis, en Chine. En fait, rien ne s'est passé. Non. Non, il y a une conspiration. Ouais. Non. Contre mais lui. Il va ouvrir un bal. Peut-être son message est trop révolutionnaire. Bien qu'on le comprenne pas. Il va ouvrir une séance de financement à Ouagadougou bientôt, si j'ai bien compris, ou à moins qu'il m'ait raconté des conneries. Ok, donc peut-être les gens de Ouagadougou ont la chance. Ah ouais. Bah eux, ils vont le voir. Bah à mon avis, ce sera les premiers à les revoir sur scène, quoi. Mm-mm. Avant nous. Oui. Bon, bien. Chloé, tu avais d'autres choses à me demander? Ben non, Rosset, merci beaucoup pour ta présence. Merci à Julou. Et enchanté, Rosset. Je t'en prie. Et ben écoute, on va écouter un dernier morceau. Ouais, j'espère qu'il arrive. Ouais, une prochaine fois. En tout le cas, je le prends par les cheveux, je l'attache, il va nous chanter des chansons, tu vas voir. Je sais pas s'il va se laisser faire. Sean, une dernière chose à annoncer? Non, qui nous revienne très vite et tout. Ben voilà, bah, bon, de toute façon, lui, tu le vois pas pendant une minute, une semaine ou 10 ans, c'est kiff. Y a pas de problème. Ah. Julio nous dit un peu de patience. Un peu de Julio. Ah, toi aussi, t'as l'accent de là-bas? Non. Mais t'avais pas ça au central? J'ai mis mon ami là, on s'est rencontré il y a pas longtemps. En tout cas, on peut faire quand même une petite dédicace à Don Quichotte. Oui, alors oui, Don Quichotte qui devait nous rejoindre et tout, mais faute de temps et avec l'autre Librius là qui devait s'amener et qui s'amène pas. Je parlais de Despotax, bien sûr. Malheureusement, on voulait faire un petit chat via Skype et tout parce que Don Quichotte, eh bien, il y a quand même, mais lui connaît l'astico beaucoup mieux que nous. Bah, c'est ce qu'il prétend. C'est possible. C'est ce qu'il prétend. Bon, il va être l'heure, messieurs. Bon, moi, je voulais quand même remercier Charlotte pour la préparation, sa connaissance de Despotaxe pour la préparation de cette émission. Et retrouver cette émission et les précédentes sur notre blog JP. wirabien.blogspot.com et à très vite sur les ondes de Radio Panique. On va finir avec un morceau de Despotaxe, ma foi. Ça, pour envoyer des fichiers, ça, y a pas de problème. Pour venir... Au moins, on entend sa voix, brun, là. Mmh.